إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 18 dans l'explication du livre الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الإسلامية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية et c'est écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi al-Yamani c'est un livre bien entendu qui réfute les gens de bid'a qui utilisent comme moyen pour soi-disant établir l'islam ou amener l'islam à être appliqué ou la sharia à être appliqué, ils veulent utiliser comme moyen pour ça la démocratie et les élections et le suffrage universel, et ils prétendent que ça fait partie de l'islam. Donc on a expliqué depuis le début que c'est tout à fait faux. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, c'est que on va rentrer dans le deuxième point. On a expliqué dans les cours, les derniers cours, on a réfuté les idées des Hizbiyin qui prétendent que la démocratie c'est la Shura, et on a montré clairement avec les explications des ulama que c'est pas vrai, que la Shura c'est quelque chose qui est totalement différent de la démocratie. La démocratie n'a rien à voir avec la Shura. La Shura ça vient d'Allah, puis la démocratie ça vient des kuffar, des mushrikin grecs de l'Antiquité, puis les autres parmi les kuffar l'ont adopté, puis l'ont un petit peu modifié, ainsi de suite, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, ni avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec la parole des salaf salih. Donc, avant de rentrer dans le deuxième point que le Cheikh a mentionné parmi les shubuhat des gens qui veulent utiliser la démocratie, il y a deux petits points que je veux mentionner avant de commencer. Ok. Donc, le premier point que je veux mentionner, c'est la question de la Shura lorsque les gens de Hizbiya parlent de la femme musulmane. Lorsque vous voyez, par exemple, des petites brochures qui ont été écrites ou publiées par des Hizbiyin, par des gens comme, par exemple, les Ikhwan ou d'autres associations islamiques de ce genre et de cette tendance, vous allez souvent voir que quand ils parlent des droits de la femme dans l'islam, ils mentionnent toujours les droits comme par exemple social, les droits économiques, les droits juridiques, ainsi de suite. Puis après vous allez voir à un moment donné, après ils marquent en bas les droits politiques de la femme. Puis parmi les droits politiques qu'ils mettent, ils mettent toujours la question de droit de vote. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent parmi les droits de la femme dans l'islam, c'est le droit de vote. Puis peut-être même qu'ils vont aller jusqu'à dire que la femme dans l'islam, elle avait le droit de vote depuis 1400 ans, puis ça c'est quelque chose qui est nouveau en Occident pour la femme, parce que même les femmes occidentales, elles n'avaient pas le droit de vote depuis quelques années seulement. Donc ils essaient de dire ça pour essayer de dire que dans l'islam il y a la démocratie puis il y a le droit de vote. Et ça c'est tout à fait faux, comme on l'a expliqué déjà, puisque dans l'islam il n'y a même pas de démocratie, il n'y a pas de vote. Donc il n'y a pas de question que la femme vote. Et le malentendu dans cette explication-là, ou dans cette idée-là qu'ils essaient de transmettre, ça vient du fait que quand ils traduisent le terme démocratie, ils utilisent le terme shura, puis ils le traduisent en démocratie. La shura, c'est la consultation. hein, comme on l'a vu, ou la concertation, comme on l'a vu la dernière fois, dans les derniers cours. Et donc, ils disent, puisque la femme, au temps du prophète, elle pouvait donner le conseil, donc ça veut dire que automatiquement elle faisait partie de la Shura, et automatiquement elle pouvait en même temps, donc ça équivaut à faire un vote ou à voter. Et dans ce raisonnement là il y a bien entendu plein de choses qui sont totalement fausses. Premièrement, on a expliqué que la démocratie et la Shura, c'est deux choses différentes, donc on n'a pas besoin de revenir là-dessus, ça c'est clair. Deuxièmement, ils vont souvent mentionner par exemple l'histoire de Salama radiallahu anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti vers la Mecque avec les sahaba pour aller faire la Umrah, ils avaient amené avec eux un animal. Qui allait-il faire le Hajj? Ils allaient faire le Hajj. Ils avaient amené un animal avec eux. Sauf que les mushrikines les ont arrêtés en chemin. Et puis ils leur ont dit, non, vous pouvez pas, on veut pas que vous ayez faire le Hajj cette année. Hein? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une entente avec les mushrikines. C'est l'entente qu'on appelle Al-Hudaybiyah, Al-Sulh Al-Hudaybiyah. Donc, ils se sont mis d'accord sur certains points avec les mushrikines. Puis, les musulmans, eux, ils voulaient quand même aller faire le Hajj. Et ils ont dit, ils ne voulaient pas refuser, hein, ils ne voulaient pas rester là, puis annuler leur ihram et tout ça, hein, sacrifier leurs animaux, puis raser leur tête. Ils ne voulaient pas, ils voulaient continuer, puis aller à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rasez vos cheveux et égorgez vos animaux. Personne n'a voulu le faire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à sa femme, Salama, qui était une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le problème. Elle lui a expliqué le problème. Alors, Salama, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des mères parmi les mères des croyantes, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, commence par le faire toi-même, puis ils vont te suivre. Hein? Fais-le, puis ils vont te suivre. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et tout le monde l'a suivi. Donc, il se base sur cet exemple-là, pour essayer de dire, regardez, une femme a donné le conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, la femme lui a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé conseil, la femme lui a donné conseil, et il a suivi son conseil, c'est la preuve que la femme a le droit de vote. Mais ça n'a rien à voir avec, premièrement, ça n'a rien à voir avec le droit de vote, deuxièmement, ça n'a rien à voir avec la shura non plus, c'est de demander un conseil, et de demander un conseil, et la shura, c'est pas tout à fait la même chose, hein, pourquoi? Parce que, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la shura pour savoir par exemple quand est-ce qu'il allait partir pour faire une expédition ou pour aller attaquer ou pour aller faire la guerre, il réunissait les sahaba des fois pour discuter ou bien pour prendre une décision, mais il ne mettait jamais avec lui les femmes pour discuter de ces choses-là. La même chose avec les sahaba comme Abu Bakr Siddiq, hein, quand il était le khalifa et quand il réunissait les sahaba pour faire la shura, il ne réunissait pas les femmes avec lui. La même chose avec Omar ibn Khattab. Il ne réunissait pas les femmes avec lui. La même chose pour Omar, la même chose pour Othman et pour Ali. Donc, les femmes n'ont jamais fait partie de la Shura. Et la même chose pour les autres Khulafa qui sont venus après, jusqu'à l'époque de Bani Othman, Al-Othmaniyya, l'Empire Ottoman. Hein? Et aujourd'hui même en Arabie Saoudite, tu vas pas trouver par exemple des femmes qui font partie du Majlis Ashura ou bien qui vont participer avec les hommes dans les questions de gouvernement ou de ces choses-là. Donc, d'essayer d'utiliser ça comme une excuse ou comme un prétexte pour essayer d'interpréter ça comme si la femme elle a le droit de vote dans l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, d'accord? Ça n'a jamais existé. Donc, déjà il y a un problème, c'est que dans l'islam, c'est pas vrai que la femme elle a le droit de vote. Pourquoi? Parce que même l'homme, il n'a pas le droit de vote. C'est pas tout le monde dans l'islam qui a son mot à dire dans les questions politiques et les questions gouvernementales. C'est seulement une petite partie des savants ou des gens qui sont spécialisés dans ces questions-là. C'est eux qui donnent leur point de vue là-dedans et c'est tout. Ahlul hilli wal aqd, comme on a expliqué déjà. Donc, Il y a ce point-là que je voulais noter pour commencer. Puis il y a un autre point aussi que je voulais mentionner. C'est le point au sujet de la fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan dernièrement que j'ai traduit, que j'ai mis sur le site. Hein? C'est qu'on a posé la question au Cheikh Saleh Al-Fawzan parce que vous savez qu'il y a, beaucoup de mosquées à Montréal maintenant. À chaque fois qu'il y a des élections, ils incitent les musulmans à rentrer dans les élections, puis à rentrer dans le vote et tout ça. Puis ils font même entrer dans les mosquées des représentants des différents partis pour leur faire donner leur discours, puis ainsi de suite. Et des fois, ils ne font pas ça, mais ils vont juste, après la khutbah de Jumu'ah, ils vont parler avec les musulmans, ils disent, bon, vous savez qu'il y a une élection, on vous incite à voter pour telle chose, ainsi de suite. Bon, alors nous, on doit savoir que ça, c'est pas permis dans l'islam de rentrer dans ces affaires-là pour nous. Et même les gens de la mosquée Sunna, par exemple, qui se disent salafis, et qui prétendent qu'ils sont salafis, hein, en réalité, on sait très bien que ce sont des sororis, c'est pas des salafis, c'est des gens qui suivent le manhaj des ikhwan. Donc, ces gens-là, souvent je leur avais dit depuis longtemps, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct, vous avez pas le droit d'amener ça. Quel savant vous a dit que vous avez le droit dans l'islam de faire entrer un kafir dans la mosquée pour venir parler des élections, puis de parler de leur parti politique, puis de voter, puis de tous ces trucs-là? Ça, c'est pas la place de la mosquée de faire ces choses-là. Et vous n'avez pas de preuve d'aucune parole d'un savant qui vous a donné le feu vert pour faire des trucs comme ça. Et bien entendu, ils n'ont pas de fatwa des ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, des salafiyin. Donc, là, Cheikh Fawzan, il a fait une fatwa justement à ce sujet-là. Et dans la fatwa, on lui a posé la question. Il y a beaucoup de musulmans qui sont dans les pays occidentaux, dans les pays de Kufr, et est-ce qu'ils peuvent rentrer dans les élections puis voter pour des différents dirigeants, ainsi de suite. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit, premièrement, ces gens-là, ils n'ont même pas le droit d'être là-bas. Ils doivent s'en aller, ils doivent quitter. Hein? Puis s'ils sont capables, la seule excuse qu'ils peuvent rester là-bas, c'est s'ils ont une nécessité. Ils restent jusqu'à ce qu'ils ont réglé leur nécessité. Après ça, ils quittent, ils vont dans un pays musulman. Puis il a mentionné le verset dans Surat An-Nisa, hein, qui parle de la hijra, et ainsi de suite. Sauf pour ceux qui sont faibles, et qui, hommes, femmes et enfants qui sont faibles, qui ne trouvent pas le moyen, qui ne trouvent pas le chemin, et ainsi de suite. Ceux-là, ils sont excusés. Peut-être Allah va les pardonner. Donc, ça, c'est une exception. Puis après, le chef, il a dit, mais il rentre pas dans les questions de gouvernement, puis dans les questions des élections, ça, il rentre pas là-dedans. Hein? Puis il a dit, sinon, ça veut dire qu'ils vont voter pour un kafir. Et un musulman, il n'a pas le droit d'élire un kafir, bien entendu. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Et c'est pour dire qu'il y a les ulamas qui ont parlé maintenant là-dessus clairement, et qui ont donné des fatwas claires à ce sujet. Et donc, on va voir maintenant, est-ce que ces gens-là vont respecter les paroles des ulama ou non. Et bien entendu, on sait déjà la réponse. Ils ne respectent pas les paroles des ulama. Ils respectent seulement qu'est-ce qui va en accord avec leur manhaj et avec les idées que leur chef leur ordonne de suivre. Et les autres choses qui contredisent leur manhaj, ils les rejettent. Même si c'est la vérité dans le Coran et dans la Sunna. Donc, on commence maintenant avec le deuxième point, Inch'Allah. C'est les paroles des gens de Hizbiya au sujet de la question de la démocratie et des votes. Ils utilisent une shubha, et c'est la shubha qui dit, par exemple, que de rentrer dans les parlements, puis dans les élections, ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Donc, ils disent, nous, on rentre dans le parlement, c'est pour ordonner le bien et interdire le mal, en rentrant là-dedans. Parce que quand ils disent comme si quand on rentre dans le parlement, on va être capable de voter pour des lois, pour faire ordonner des choses qui vont être bonnes, et pour faire passer des lois pour interdire des choses qui sont mauvaises. Donc c'est un moyen pour arriver à changer le mal dans la société, puis amener du bien. Ça c'est leur choubha, c'est un de leurs arguments. Et le cheikh dit wa min ash-shubha aidan istidlaluhum bi qawlihi ta'ala ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ووجه الدلالة قالوا يعني إن مشاركتنا في الانتخابات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنستطيع أن نغير إذا كانت لنا مقاعد في البرلمان أو في البرلمانات الانتخابية. الجواب على ذلك. Donc le Cheikh il dit qu'il mentionne le verset 104 dans sourate Ali Imran qui dit: et qu'il y ait parmi vous un groupe qui ordonne le bien et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il mentionne également le verset 110 dans sourate Al-Imran qui dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous êtes, wa alaykoum salam wa rahmatullah, vous êtes la meilleure communauté qui est venue pour l'humanité ou pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh il dit: wa wajhu ad-dilala. C'est quoi le point qu'ils veulent tirer de ce verset-là? Ils veulent tirer de ces deux versets-là le fait que de participer aux élections, ça fait partie de ordonner le bien et d'interdire le mal, parce qu'ils croient qu'en rentrant dans le Parlement, ils vont avoir des chaises, hein, ou des, comment ils appellent ça? Des sièges, hein. Et puis qu'à partir de ce moment-là, quand ils vont avoir un siège dans le Parlement, ils vont pouvoir voter contre des choses mauvaises, contre des mauvaises lois, ou voter pour des bonne loi, ou ainsi de suite, puis que ça va faire une sorte d'ordonnance du bien puis d'interdiction du mal. Maintenant, le cheikh, il répond à cet argument-là. أولاً الجواب على ذلك. أولاً نقول كما قلنا فيما سبق ما سلف من سلفكم في هذا الاستدلال بهذه الآيات على جواز المشاركة في المجالس النيابية والجواب كما تقدم. ثانياً إن قولكم هذا يخالف حقيقة الواقع، فالمشاركة في الانتخابات البرلمانية تعني المنكر بعينه، وذلك أن الشعب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك أن الشعب فيه هو وذلك أن الشعب فيه هو صاحب السيادة ومصدر السلطة، وكذلك تكون العبرة فيه للأغلبية. فمهما أنكر المنكر وأمر بالمعروف فإن ذلك لا يقبل إلا إذا وافقت الأغلبية عليه. Donc le Cheikh il répond à cet argument là en deux points. Le premier point, c'est que premièrement on doit leur demander: qui vous a précédé? C'est qui votre salaf? C'est qui vos salaf dans cette utilisation de ces versets là? De cette façon ou dans cette interprétation-là de ces versets-là. Qui vous a précédé parmi les salafs ou parmi les ulama de la Umma pour dire que ces versets-là sont des preuves de la permission de participer aux assemblées nationales et ou bien aux députés de rentrer dans les chambres des députés ou ainsi de suite? Et bien entendu, vous n'avez pas de référence, vous n'avez pas de salaf, vous n'avez pas de prédécesseur parmi les imams des salaf et parmi les sahaba et les tabi'in et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la bonne façon. Ça c'est le premier point pour leur répondre. La deuxième partie de la réponse, le cheikh il dit: qu'est-ce que vous présentez ou qu'est-ce que vous dites, c'est en réalité le contraire de ce qui se passe pour de vrai. Parce que quand vous rentrez dans les parlements et quand vous rentrez dans les élections, c'est ça en soi, c'est déjà un mal. Donc comment vous voulez changer un mal par un mal? Ça c'est le premier point. Puis ensuite, le cheikh il dit: vous savez très bien que dans la démocratie, c'est le peuple qui est le souverain, soi-disant. C'est le peuple qui a la souveraineté et qui est la source de l'autorité et de la souveraineté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend compte uniquement de la majorité dans le Parlement. Donc, comment vous allez faire pour aller changer le mal ou pour ordonner le bien si vous êtes toujours dans le système démocratique? Aussitôt que vous allez essayer d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, on va vous en empêcher parce que la majorité va vous en empêcher. Hein? Et donc, ça c'est un exemple. C'est que dans la démocratie, c'est toujours la majorité qui a raison. Même si, qu'est-ce qu'il dit, c'est contraire au Coran et à la Sunna. Donc, le cheikh, il cite par la suite des paroles des ulama pour clarifier ce sens-là et pour clarifier cette signification-là. Qui nous aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans l'islam, ordonner le bien et interdire le mal. C'est quoi la vraie signification? Parce qu'il y en a qui pensent que ils peuvent interdire le mal en faisant plus de mal. Ou ordonner le bien en faisant plus de mal. Et ça, c'est bien entendu quelque chose contraire à l'islam. Donc, le cheikh dit, wa qala Safiyur Rahman al-Mubarak Furi, ثم الأمر بالمعروف, hein? ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون طلبا لمرضاة الله ومبينا على النصح مبنيا على النصح ومعنى هذا أن لا يكون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرض من أغراض شخصية أو حزبية يهدف الوصول إليها من خلال أمره ونهيه بل يكون غرضه إصلاح الفساد وتصحيح الطريق فقط مع إخلاص النية وقصد الخير لمن يوجه إليه الأمر والنهي. أما النقد اللاذع واللوم والعنف والاتهام بالعمالة للأجانب والنيل من الشخصية وتشويهها والتشهير بها ومحاولة إسقاطها من أعين الجماهير وما إلى ذلك مما يجري بين الأحزاب المتنافسة فليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء بل هي مجرد دعاية ممقوتة تورث البغض والشحناء وتفضي إلى التقاطع والتدابر وربما تنتج عن الفساد والدمار من جانب وعن البطش والقهر من جانب آخر. Donc le cheikh il dit quoi? Il mentionne les paroles de Safi al-Rahman. Après, à la fin il dit: وكل هذا منكر ونهى عنه الشرع في صراحة قاطعة لأنه ليس أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر. Okay. Donc le cheikh il dit, Safi al-Rahman al-Mubarak Furi, il dit que quand quelqu'un il ordonne le bien et quand il interdit le mal, il faut, c'est obligatoire pour lui que ce soit uniquement pour le plaisir d'Allah et pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, il faut pas que ce soit pour un intérêt de la dunya. Il faut que ce soit uniquement parce que dans ton cœur, tu veux sincèrement le plaisir et la satisfaction de Dieu. Le plaisir et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ton ordonnance du bien et ton interdiction du mal doivent être basées sur le conseil sincère pour l'autre. C'est-à-dire que tu veux vraiment, pour les autres personnes, tu leur veux du bien. Tout ce qui est mauvais pour eux, tu veux l'écarter. Et tout ce qui est bon pour eux, tu veux le rapprocher pour que ce soit meilleur pour eux. Donc c'est comme si, par exemple, tu penses à leur bien à eux. Tu vois? Tu veux le mieux possible pour eux. Tu veux tout ce qui est de bon pour eux. Hein? Comme par exemple, quand quelqu'un, il a un enfant, il veut tout le bien pour son enfant. Et il veut écarter tout le mal pour son enfant, hein? Parce qu'il a cette affection et cet amour-là pour l'enfant. Eh bien, quand on dit qu'on ordonne le bien et qu'on interdit le mal, on doit faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit le faire agir envers les créatures, envers les êtres humains, de la même façon qu'on voudrait agir envers notre enfant. Pas seulement parce que c'est on a un lien de parenté avec eux puis qu'on leur veut du bien pour ça. Non, même quand on n'a pas aucun lien de parenté avec eux, le fait que ce sont des êtres humains, on veut les ramener, les rapprocher du bien le plus possible et les écarter le plus possible du mal pour eux, pour qu'ils puissent connaître la vérité puis être sur le bien. Et donc, ça veut dire que quand tu vas ordonner le bien et interdire le mal, tu vas pas le faire pour un intérêt personnel que tu as, ou pour un but personnel, ou bien pour aider ton parti, ou pour aider, faire en sorte que tu vas arriver à ton but, d'arriver par exemple au pouvoir. Parce qu'il y en a des gens comme ça, quand ils veulent arriver au pouvoir ou arriver à un but, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à dire, à faire des choses, par exemple, pour se montrer ou pour dire, ah, regardez-moi, j'interdis le mal ou j'ordonne le bien. Quand c'est les élections, il fait ça. Mais quand les élections c'est fini, il revient à comme il était avant. Donc, il ordonne pas le bien, il interdit pas le mal pour Allah, il interdit le mal, puis il ordonne le bien uniquement pour se faire voir des gens pendant les périodes électorales pour que les gens disent, ah, lui, il est fort, il est courageux, il a pas peur. Donc les gens vont dire, ah, ben, on va voter pour lui dans ce cas-là. Parce qu'il a pas peur de dire la vérité. Mais ça, c'est juste un spectacle qu'il fait pour montrer pendant les élections, parce que sinon, en temps normal, il parle pas de rien, il dit rien contre qu'est-ce qui est, incorrect. Et donc ça, c'est des politiciens, c'est pas des gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit que là, également le fait d'ordonner le bien et l'interdiction du mal, il faut pas que ce soit fait pour un intérêt dans la dunya, mais il faut que ce soit vraiment pour arriver à réformer le mal qui est dans la société, c'est-à-dire réformer la société pour qu'elle devienne correcte, pour qu'elle devienne bonne, cette société-là. Et il faut également qu'il y ait, dans le cœur de la personne qui le fait, une intention sincère et pure uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il y ait al-ikhlas dans son cœur quand il le fait. Et il faut qu'il ait l'intention de vouloir le bien dans l'ordre qu'il donne et dans l'interdiction qu'il donne pour les gens. Donc ça c'est des petits détails. Les gens pensent que c'est des choses très simples. Pourtant, ce sont des choses fondamentales dans la compréhension de ce sujet-là, c'est-à-dire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Ça doit être basé sur la sincérité, sur l'ikhlas et sur l'asidq. Le cheikh il dit ensuite, donc il dit, il y en a des gens qui vont faire des attaques très dures sur les gens, qui vont blâmer des gens, qui vont être violents même parfois ou agressifs dans leurs attaques et dans leurs accusations. Et ça, vous voyez ça beaucoup dans les élections. Quand il y a quelqu'un qui, par exemple, quand il y a quelqu'un qui se présente, il parle de son adversaire, il dit des choses sur son adversaire, il l'accuse de toutes sortes de choses, il dit des choses sur lui, contre lui, et il pense qu'en faisant ça, c'est du bien qu'il fait. Donc, c'est ça que le cheikh il dit, que quelqu'un qui va ordonner le bien, interdit le mal, il fait pas les choses de cette façon-là. De les accuser d'être des agents qui travaillent pour les étrangers, de commencer à atteindre sa personnalité pour essayer de le nuire, pour essayer de nuire à sa réputation, également d'essayer de le faire tomber aux yeux des gens, c'est-à-dire que les gens qui vont par la suite, ils vont plus avoir du respect pour lui parce que on va l'humilier, c'est ça exactement. Après, c'est ça qu'on voit qui arrive entre les partis qui se disputent le pouvoir. Et ça fait pas partie d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Et ça, c'est juste des formes de di'aya. C'est comme une sorte de slogan que les gens répètent, ou des attitudes que les gens ont pour faire de la publicité seulement. Et ça, c'est quelque chose qui est blâmable et qui est détestable, en fait, et qui amène la haine et le rejet entre les gens, et qui amène à couper les liens, puis à faire en sorte que les gens se tournent le dos les uns les autres, et peut-être que ça peut même arriver jusqu'à de la corruption et de la destruction, hein, d'un autre côté aussi, et même au coup, et à la fin. Les gens commencent à se battre et à se frapper même à cause de ça par la suite, hein, et on a vu ça dans des pays musulmans, des gens qui se frappent, qui cassent tout, hein, à cause de ces genres de choses-là. Ah oui, ça c'est arrivé souvent, ça. Ouais. Ah, subhanallah. Ben oui, subhanallah. Ah oui, imaginez. Hein, c'est grave. Si c'est pour le sport, les gens ils font des batailles comme ça. Alors imaginez pour la politique. La politique, maintenant, c'est devenu comme un match de sport. Et déjà même avant que l'élection se produise, il y a les sondages qui te disent, bah, ils ont 40%, ils ont 50%, et tout ça c'est faux, mais je me dis, mais si c'est comme ça, pourquoi faire les élections? On va faire le sondage, et puis on n'a pas besoin de faire l'élection, puisque le sondage est supposé de nous dire qu'est-ce qui va gagner ou non. Hein? Mais c'est quoi le but de ces sondages-là? C'est stupide. C'est de faire de l'argent, exactement. Non, parce que, ouais. C'est al-qil wal-qal, c'est vrai. Al-qil wal-qal wa kathrat al-su'al wa ida'at al-mal. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Al-qil wal-qal. Allah, il déteste que les gens ils parlent de choses qui n'ont aucun rapport. Les gens perdent leur temps dans des discussions futiles, hein, et dans des suppositions, dans des sondages, des trucs comme ça. Wa kathrat al-su'al, poser beaucoup de questions sur la religion, mais des choses qui n'ont pas rapport. Et ida'at al-mal, gaspillage de l'argent, ça, c'est des choses que tu retrouves beaucoup dans ces élections-là, hein, comme on a pu constater. Puis tout ça, ça fait partie des choses qui sont munkar, qui sont interdites par la sharia. Donc on peut pas dire que de rentrer dans les élections, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme eux ils le prétendent, que en rentrant dans le parlement, ils vont enlever le mal puis ordonner le bien. C'est le contraire en réalité qui se produit. Le cheikh dit ensuite, قلتو تأمل أخي القارئ هذا الكلام المتين من علم عايش مثل هذه الأمور المحدثة في بلدته الهند ونحن نعيش هذه الأمور بحذافيرها في بلدتنا اليمن فهل المشاركة في مثل هذه المجالس النيابية حقا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم الأغراض أو لأغراض أم لأغراض أخرى سواء أكانت شخصية أم حزبية إن الناظر في واقعنا الحاضر يكاد يجزم أن بأن الغرض من المشاركة في مثل هذه الأمور ما هو إلا تحقيق لأغراض شخصية أو حزبية وأظهر برهان على ذلك الواقع الذي نعايشه في بلادنا فماذا قدم لنا الإخوان المسلمون في مشاركتهم في الانتخابات الماضية هل نجحوا في جعل الشريعة هي التي يتحاكم إليها دون سواها هل نجحوا في إنفاذ قانون يحقق جزئية من أحكام الإسلام كالقضاء على البنوك الربوية والصالات السينما ومنع الاختلاط الحاصل في دوائر العمل والمدارس هل نجح الإخوان المسلمون في تغيير برامج ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة هل ها؟ إلى غيرها من التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة فعلية مشاهدة في الواقع أما الأماني والوعود الفارغة فقد شبع الشعب منها. Le Cheikh il dit, observez bien et méditez bien la parole qu'on vient de lire, des paroles de Cheikh Safi al-Rahman al-Mubarak Fouri. Ce sont des paroles qui sont très fortes, qui indiquent que c'est un savant qui a vécu ces choses-là, qui en parle avec expérience dans son pays, en Inde, il a vécu ces choses-là. Et nous aujourd'hui, le Cheikh dit, nous aujourd'hui, on vit ces choses-là nous-mêmes dans notre pays, le Yémen, et on peut voir que le fait d'avoir participé, que certains Hizbiyin ont participé aux élections et sont rentrés dans les parlements, en réalité, on peut voir que ça n'a rien à voir avec le Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, et que ça fait uniquement partie des choses que les gens font pour des intérêts personnels ou bien des intérêts d'un parti ou d'un groupe en particulier. La preuve, c'est que lorsqu'on regarde dans ce qu'on voit et ce qu'on observe dans la société, on peut être certain de ça parce que quand on voit le parti qui est rentré dans les élections, là, le parti des Ikhwan Muslimin, qui est Hizb al-Islah au Yémen, eh bien, le chef, il pose quelques questions. Il dit, est-ce qu'en participant aux dernières élections, est-ce qu'ils ont réussi à ramener l'application de la charia pour que ce soit uniquement la charia qui soit la référence dans la loi? Est-ce qu'ils ont réussi à faire appliquer certains aspects de la charia de l'islam dans certaines catégories des choses de la société, comme par exemple pour éliminer les banques avec riba, pour éliminer les salles de cinéma, pour éliminer la mixité qui se passe dans les endroits de travail, dans les lieux de travail et dans les écoles? Est-ce que les Ikhwan al-Muslimoun ont réussi à changer le système de yani des médias qui sont soit des médias comme la télévision visuelle ou bien audio, c'est-à-dire la radio et ainsi de suite, ou bien écrit, c'est-à-dire les journaux, ainsi de suite? Est-ce qu'ils ont réussi à changer quelque chose là-dedans, des choses qui sont contradictoires avec l'islam dans ces choses-là, hein? Donc il y a beaucoup de questions comme ça qu'on peut poser pour savoir, est-ce que ces groupes islamistes, est-ce qu'ils ont réussi à vraiment amener quelque chose de bon pour l'islam, d'ordonner un bien ou d'interdire un mal quelconque dans la société? Non, puisque dans la société, on n'a pas observé aucun changement du fait qu'ils sont au pouvoir. Et même comme je disais dans le dars que je fais le samedi dimanche sur Paltalk, le matin, j'étais en train de lire la réfutation que le Cheikh Ahmed al-Najmi a écrit. Et dans sa réfutation, il mentionne les paroles de Mustafa al-Sibai. Et Mustafa al-Sibai, quand il a écrit il a fait partie du comité qui ont écrit la constitution syrienne, et il voulait rajouter dans la constitution comme article au début que l'islam est la religion de l'État. Il voulait que la religion soit, que ce soit écrit en premier article de la constitution, l'islam est la religion de l'État. Eh ben, qu'est-ce qu'il a dit aux chrétiens qui s'inquiétaient à propos de cette constitution-là? Il a dit aux chrétiens, rassurez-vous, il n'y a rien qui va changer. Tout va rester comme c'est aujourd'hui. Les députés vont rester, les lois vont rester telles quelles, tout va rester tel quel. C'est juste qu'on va écrire la religion. L'islam, c'est la religion de l'État. Donc les gens ont dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est le niefaq, ça c'est l'hypocrisie. Ça, écrire une constitution. Et en plus, le pire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la preuve. Hein? Mustafa Sibir, il dit la preuve de ça, et ça c'était dans les années 1950 là, ça fait longtemps, hein? Il dit, la preuve de ça, c'est que regardez l'Égypte et l'Irak, les deux ont des constitutions dans laquelle c'est écrit la religion de l'État c'est l'islam, et puis ils ont encore leur parlement, puis leurs lois, puis leurs députés, puis ainsi de suite, puis on n'a pas appliqué les peines et les punitions islamiques. Donc rassurez-vous. Et lui c'était un des chefs de Ikhwan en Syrie. Donc c'est pour vous dire, ces gens-là, ils parlent aux gens un discours que les gens veulent entendre. C'est des démagogues. Ils parlent avec les... ici, par exemple, les Ikhwan à Montréal, que ce soit Présence musulmane, Astrolabe et les autres groupes de Bid'ak dans les groupes à Montréal, quand ils s'adressent aux Koufars, ils disent quoi? Ils disent, ouais, on est d'accord avec la démocratie, la liberté de croyance, la liberté d'opinion, la liberté de ci, de ça. Hein? Donc, ça veut dire que, pour eux, l'islam c'est juste un moyen, comme un autre, d'arriver à ramasser les gens et à les réunir ensemble pour faire qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je vais te dire une chose. J'étais à la mosquée d'Arqam quand j'étais imam là-bas, quand j'ai fait une khutbah un vendredi, puis j'ai parlé pendant que j'expliquais un des points qui annule l'islam d'une personne. Puis je pense que c'est quand j'ai parlé d'une naqid à propos de celui qui refuse de déclarer mushrikin, les chrétiens et les juifs. Alors, il est un mouchrik lui aussi, ainsi de suite. J'ai expliqué ça. Je ne sais pas si c'est dans celle-là ou l'autre après, en tout cas. J'avais cité en arabe quelques citations de Hassan al-Banna, de Yusuf al-Qardawi, de Muhammad al-Ghazali, de Hassan al-Turabi. En tout cas, certaines des grosses têtes parmi les grosses têtes des Ikhwan. Puis j'ai mentionné comment eux, ils disaient, les chrétiens, ce sont nos frères, les juifs sont nos frères. Al-Ghazali qui disait, il faut unir le croissant et la lune, la croissant et la croix ensemble. Hein? Il y a toutes sortes de bêtises qu'il racontait comme ça. Donc j'ai expliqué ça dans la khutbah en arabe. Après la khutbah, il y en a des gens qui étaient vraiment frustrés. Il y en a qui sont venus me voir, ils m'ont dit, est-ce que tu savais qu'au Maghreb, c'est les Ikhwan, c'est grâce à la da'wa des Ikhwan que l'islam est revenu en force. J'ai dit, ah, si tu savais, c'est grâce aux Ikhwan justement que l'islam maintenant, elle est dans une mauvaise situation, que les musulmans sont dans la misère à cause des Ikhwan. Tous les problèmes qui sont arrivés à cause des élections, puis des trucs de... tous ces trucs-là qui sont arrivés maintenant, la fitna en Algérie, tout ça, c'est à cause des groupes de Hezbollah, des gens qui sont rentrés dans les élections, puis tout ça. Puis, ça divise la Ummah, ça détruit la Ummah. Maintenant, ça fait couler le sang des innocents. En Égypte, il y a eu la même chose. En Syrie, il y a eu la même chose. Et maintenant, au Maroc, ça se prépare avec Al-Adl al-Ihsan. J'ai peur que ces gens-là, ils fassent la même chose. Qu'est-ce qui est arrivé en Algérie va se passer au Maroc avec Al-Adl al-Ihsan, parce qu'ils sont en train de suivre la même voie et la même méthodologie que ces autres groupes de Ikhwan. C'est un groupe qui est fondé par Abdou Salam Yassin, c'est un soufi, Boutchichi, et il est sur la même bid'a que eux. Yassin, ils ont leur mosquée à Montréal maintenant, Belagir. Ils ont traduit Al-Ihsan par Belagir, le mot Ihsan. Donc c'est pour ça, c'est un groupe de bid'a comme les autres. Et donc c'est ça. Alors c'est juste pour vous dire, ces gens-là, ils parlent de l'islam, mais l'islam c'est la dernière de leurs préoccupations. À la fin, leur but c'est des buts politiques, économiques et autres. Après, le cheikh dit, وما نتج عن مشاركة الإخوان المسلمين في المجالس البرلمانية إلا تشويه صورة المستقيمين على دينهم حتى أصبح كثير من العامة فضلا عن الحزبيين المنخرطين في الأحزاب الأخرى ينظرون إليهم نظرة استفزاز واحتقار بل تكذيبا لما يرقونه عليهم من العلوم الشرعية والسبب في ذلك كله هم أولئك الحزبيون الذين أخذوا يواعدون الناس من خلال منابر الجمع والمحاضرات بأنه إذا تم اختيار الأصلح للأمة أي حزب التجمع اليمني للإصلاح فإنهم سيغيرون الواقع وما شابه ذلك من الحكايات التي لا تمت للواقع بصلة ولا من قريب ولا من بعيد. Donc le cheikh il dit et le résultat c'est quoi? Après que les Ikhwan musulmans ont participé aux élections, le résultat ça a été quoi dans les parlements? ça a été uniquement une seule chose qu'ils ont sali et nuit à la réputation et à l'image de l'islam et des musulmans qui pratiquent l'islam. Ils ont nuit à l'image des gens qui pratiquent bien l'islam. Pourquoi? Parce que les gens ordinaires, hein, sans parler des gens qui sont dans les groupes de, et dans les partis, hein, dans les autres partis, ils regardent maintenant les gens qui sont religieux avec un regard de mépris, hein, et de moquerie, hein. C'est comme s'ils disent, ah, mais regardez ces gens-là, ils sont sur le minbar, ils sont en train de nous promettre la lune, ils sont en train de nous dire qu'ils vont changer tout, que tout va être bien, que tout va être mieux. Du moment qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils sont rentrés dans le Parlement, on voit pas de changement, on voit rien. Donc, c'est comme pour dire, c'est des gens qui parlent beaucoup, mais ils font pas de changement réel, ils font pas de différence. Et c'est ça la réalité, hein, à cause de ces gens-là. Donc, on voit que c'était juste pour arriver au pouvoir, et une fois qu'ils sont au pouvoir, tout ce qu'ils disaient de l'islam, puis des trucs de réforme et tout, rien, hein, niet. Donc c'est ça le mal de ces gens-là. Et qu'est-ce qui est arrivé dans d'autres pays musulmans, c'est pire encore, parce que comme en Algérie par exemple, maintenant c'est rendu comme pour beaucoup de monde, que à cause de tout ce qui s'est passé de mal dans le pays, les gens maintenant ils ont une idée ou une image des musulmans qui portent la barbe, qui portent le qamis, et des femmes qui pratiquent l'islam, ils les regardent avec mépris, avec hein, un regard négatif. Ils les voient comme étant des gens mauvais, au lieu de yani, avoir du respect pour eux, puis de les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, c'est les résultats, puis les fruits de ces choses-là. Yani. Donc, ça, c'est très, très mauvais. Oui, maintenant c'est depuis... Non, les Algériens avant, puis les Algériens maintenant, c'est tout à fait différent. Bien entendu, il y a toujours des frères, des sœurs, mashallah, qui sont sur la sunna, qui restent accrochés à la religion. Mais il y a une époque où, hein, il y avait beaucoup plus que maintenant. Et puis on sentait quand même un respect. Même tu voyais des jeunes qui pratiquaient même pas l'islam. Puis quand ils voyaient quelqu'un avec la barbe, puis qui avait un qamis et qui pratiquait sa religion, ils venaient le voir puis ils lui disaient salam alaikum. Et puis il y avait beaucoup de respect. Hein, puis d'admiration même parfois de la part de ces jeunes-là. Aujourd'hui, tu les vois ici maintenant, les jeunes Algériens à la sortie des métros après l'école, ils sont en train de faire des gains comme les Haïtiens là maintenant, hein. C'est Allah al-Musta'an. Donc c'est pour dire la corruption, elle a grandi, elle a augmenté. Et puis on a vu que qui en a profité? Les gens de Bid'a, les soufis, hein, et les Asha'ira, les gens de Khurafat. Ceux-là, eux, maintenant, ils en ont utilisé pour se rapprocher des gouvernements, pour se rapprocher des gens au pouvoir, pour dire, regardez ces salafis-là, ou ces gens qui disent qu'ils sont sur la sunna, regardez qu'est-ce qu'ils font, regardez ci, regardez ça. C'est eux qui sont à la base du terrorisme, ou qui sont à la base des intégristes et ainsi de suite, hein, et c'est des l'influence des wahhabites ou de je sais pas quoi. Puis après ils disent regardez, nous on est des soufis, on est des gens modérés, on est des gens ci et ça. Alors que si tu regardes tout à la base de ces groupes de hizbiyin là, ce sont tous des soufis, hein. Hassan al-Banna c'est un gros soufi, Salam Yassin c'est un gros soufi, yani c'est tous des gros soufis, yani. Partout où tu vas aller, tu vas voir, c'est des gens qui sont noyés dans le soufi. Hein. Et donc, ils lancent la balle aux autres, et puis ils veulent prétendre que c'est pas eux les responsables, alors que c'est eux. Donc ça, c'est des exemples. Après, le cheikh, il dit, وَكَذَلِكَ يُقَالُ أَيْضًا هَلْ مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَارِ. Ah oui, en passant... comme par exemple en Iran, le Khomeini, il est considéré comme un soufi lui aussi. Et même je lisais un livre des Ikhwan, un livre qui a été écrit par un des Ikhwan. Puis les Ikhwan, en grande majorité, quand Khomeini a fait la révolution en Iran, qu'il a établi la voie des Rafida en Iran, La plupart des ikhwan dans le monde entier, ils étaient tous en train de supporter puis d'envoyer des éloges et de la glorification à Khomeini. Hein? Et à dire que c'est lui qui va changer le monde, puis qui va amener l'islam, puis ainsi de suite, que c'est le grand réformateur, il le glorifiait. Mais, yani, il l'associait aussi à un mouvement soufi chiite. Hein? Donc les Rafidah, les Shi'ah, déjà le soufi ça vient de l'Iran, ça vient des Rafidah, des Shi'ah. C'est les Shi'ah qui ont, c'est parmi les Shi'ah que le soufisme est né. Donc, ils ont les mêmes trucs. Donc, c'est pour savoir que la plupart des égarements viennent de ces gens-là. Et c'est pour ça, probablement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est vers cette région-là que les cornes du shaitan apparaissent et que c'est de là que vient la fitna. De cette région-là que vient la fitna vers l'est. Nam va venir de cette région-là aussi. Nam. Donc, après le Cheikh, il dit, donc, وكذلك يقال أيضا هل من إنكار المنكر أن يحصل بتغييره ما هو أنكر منه؟ قال ابن تيمية إن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارف له إن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. Donc le cheikh il clarifie un point ici. Il dit, est-ce qu'on peut dire, on peut rajouter à ça que la question suivante, est-ce qu'on peut enlever un mal si en changeant ce mal il y a quelque chose de mal qui arrive, qui est plus mal après. Mais si tu veux enlever un mal puis que ça va amener un mal plus grand, est-ce que tu as le droit de changer ce mal là? Hein? Et le cheikh, pour répondre à cette question-là, il va mentionner la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui clarifie ce principe. Il dit que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, quand c'est une question d'ordonner ou d'interdire quelque chose, si ça implique que ça va nous ramener un bienfait et que ça va repousser un mal, dans ce cas-là, il faut voir à toute chose qui pourrait s'objecter ou venir bloquer ce bien-là. Donc, si par exemple, فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر. Donc, ça veut dire que si en changeant le mal, en ordonnant le bien ou en interdisant le mal, tu vas manquer un plus grand bien ou faire arriver un plus grand mal, alors là, t'es pas ordonné de le faire. T'es pas commandé de le faire. Si en ordonnant le bien ou en interdisant le mal, tu vas faire manquer un plus grand bien ou faire venir un plus grand mal, alors dans ce cas-là, tu dois pas le faire. Il dit, tu n'es pas ordonné de le faire dans ce cas-là. Bal yakunu muharraman. Même que dans ce cas-là, c'est interdit de leur donner le bien ou de l'interdire le mal dans ce cas-là. Oui, tu vas faire manquer aux gens quelque chose de plus bien, ou faire amener aux gens, tu vas amener aux gens quelque chose de plus mal, donc dans ce cas-là, tu ne dois pas le faire, c'est haram de le faire. Ok? بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. Donc, c'est interdit si le mal qui va en découler va être plus grand que le bien. D'accord? ولكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. Mais le chef il rajoute un point à la fin qui est très très très très important, que beaucoup de gens aujourd'hui ils jouent avec parce qu'ils ne prennent pas en considération ce point-là. Le chef il dit, mais pour considérer la quantité de bien et de mal, ça doit être fait selon la balance de la charia, pas selon la balance de ta raison ou de tes passions ou de tes goûts. Parce que il y en a qui vont dire, ah non, ça, ça va amener plus de mal. Ou, ah non, ça, ça va amener plus de bien. Et ils ne se basent pas sur la charia pour déterminer ça. Ils se basent sur son portefeuille. Ou ils se basent sur ses désirs ou ses passions. Et puis ils disent, ah non, il ne faut pas dire ça ou il ne faut pas faire ça. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Ah non, il ne faut pas faire ça parce que si tu dis ça, si tu expliques la ilaha illallah aux gens, ça va nous donner des problèmes. Donc, ça, il ne faut pas le faire parce que ça va amener un grand mal. Alors, a'oudou billah, il faut pas jouer avec la charia comme ça. La masalih ou le mafasid doivent être jugés selon la charia. C'est pour ça qu'on doit retourner aux ulama de la charia pour nous dire, est-ce que c'est une maslaha ou est-ce que c'est pas une maslaha? Est-ce que c'est une mafsada ou est-ce que c'est pas une mafsada? Voilà. Le cheikh, il dit ensuite, mafsada, ça vient de façade, ça vient quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Le cheikh, il dit, وقال ابن القيم, إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجابا إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. Donc le cheikh il dit ici que Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné, il a ordonné à sa umma d'interdire le mal. Pourquoi? Pour que quand tu vas interdire le mal, c'est le bien qui va remplacer ce mal-là. Et c'est que le mal va être remplacé par ce que Allah et son messager aiment. Mais si, lorsque tu vas interdire le mal, ça va ramener quelque chose de plus mal et quelque chose qui est détesté par Allah et son messager, alors dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'interdire ce mal. إن كان الله يبغضه ويمقت أهله même si وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله même si Allah déteste ce mal-là et il est en colère contre ceux qui font ce mal-là, si le fait de l'interdire ça amène un plus grand mal, tu n'as pas le droit de l'interdire ce mal. Hein? وهذا et ça c'est comme quoi par exemple le cheikh donne un exemple très important à ce sujet-là. Il dit, c'est comme, par exemple, quand on va interdire le mal aux dirigeants. On n'a pas le droit. Parce que ça va amener plus de mal que le mal que tu veux interdire. Tu vois les dirigeants qui font du mal, ou de l'injustice, ou de la corruption. Eh ben, t'as pas le droit de le changer, ou de l'interdire avec la force, ou avec la bouche, ou que tu veux parler contre le dirigeant, comme le font les koufars, les khawarij. Les démocrates et les laïcs et les autres, ils vont critiquer les dirigeants ouvertement, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que le mal que tu veux changer, le mal que tu veux interdire, il va être multiplié par un mal tellement plus grand que ça vaut pas la peine de l'interdire. C'est ça ce que le cheikh il dit. Parce que c'est la base de tout le mal, d'amener les musulmans à se rebeller, à se révolter et à sortir contre leurs dirigeants, c'est la base de tout, toute fitna est la base de tout le mal jusqu'à la fin des temps. Le cheikh il dit, قُلْتُ يَتَبَيَّنُ مِنْ خِلَالِ كَلَامِ هَذَيْنَ الْعَلِمَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُشَارَكَةُ فِي الْانْتِخَابَاتِ الْبَرْلَمَانِيَةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الدُّخُولِ وَالْمُشَارَكَةِ فِيهَا مِنْ مَفَاتِدٍ عَظِيمَةٍ ذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْهَا. Donc le cheikh il dit qu'on peut comprendre à travers les paroles de ces deux grands savants là, hein, Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim, qu'il n'est pas permis de participer aux élections parlementaires parce que le fait de rentrer dans ces choses là amène plus de mal que le bien qu'on veut amener. Le cheikh il dit ensuite وَكَذَلِكَ يُقَالَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الشَّوْكَانِ عند تفسيره لقوله تعالى ولتكن منكم أمة الآية منكم للتبعيض وقيل لبيان الجنس ورجح الأول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفا وما ينهون عنه منكرا. Donc le cheikh il mentionne ici, il dit qu'on peut rajouter en plus de ça les paroles de l'imam al-Shawkani dans son tafsir lorsqu'il a mentionné le verset et qu'il y ait parmi vous un groupe. Quand il dit minkum en arabe, ça veut dire parmi vous ou de vous. Ça veut dire que c'est pour expliquer qu'il doit y avoir une partie d'entre les musulmans ou une catégorie parmi les musulmans qui doivent ordonner le bien et interdire le mal. Ça veut dire que, comme des ulama l'ont expliqué, que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est quelque chose qui fait partie de fardul kifaya. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est fard ayn. C'est pas quelque chose qui est obligatoire à chaque individu de la même façon. C'est quelque chose qui est obligatoire à une catégorie en particulier dans la Ummah, et c'est-à-dire les savants de l'islam. Ceux qui sont spécialisés dans la science de l'islam et qui sont capables de savoir ce qui est ce qui est bien pour l'ordonner et de savoir ce qui est mal pour l'interdire. Mais celui qui n'a pas de connaissance, il ne peut pas ordonner le bien, il ne peut pas interdire le mal parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui est le bien. Puis il ne sait même pas non plus qu'est-ce qui est le mal. Donc, dans des cas, pour des gens comme ça, il n'y a pas d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal. Donc, on a, ça c'est un point qui rajoute encore plus de clarification sur le fait que rentrer dans les élections et dans les parlements, ça ne peut pas être fait. Hein? Ça ne peut pas amener un bien plus grand. Ça ne peut qu'amener qu'un mal. Et en plus, les gens qui rentrent dans le parlement, souvent c'est des gens qui n'ont pas de connaissance de la charia, et donc ils ne peuvent pas savoir ce qui est le bien, ils ne peuvent pas non plus pratiquer, même pas souvent ils pratiquent pas comme tu dis, et ils ne savent pas non plus qu'est-ce qui est le mal. Il y en a parmi des musulmans qui sont nés musulmans, ils ont grandi dans l'islam, leurs familles sont des familles musulmanes, mais ils n'ont pas étudié la charia, donc ils s'imaginent qu'ils pensent, hein, ils s'imaginent qu'ils savent le bien et ils s'imaginent qu'ils savent le mal, mais en réalité ils ne le savent pas. Parce qu'ils jugent selon des idées qu'ils ont acquises dans les écoles ou dans les universités ou dans la société occidentale ou autre, mais ce ne sont pas des principes et des idées établies et basées et fondées sur la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils jugent selon leurs désirs et leurs passions et non pas selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent que quelque chose est bien alors que c'est mal, et ils pensent que quelque chose est mal alors que c'est bien. Et c'est pour ça, c'est à cause de leur ignorance, malheureusement. Le cheikh dit ensuite, وقال ابن تيمية, فلا بد من هذه الثلاثة, العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. Donc le cheikh il explique maintenant les règles pour ordonner le bien et pour interdire le mal. Il mentionne les paroles de l'imam ibn Taymiyyah qui dit, Il est obligatoire d'avoir trois choses pour ordonner le bien et interdire le mal. Première chose, la science. Deuxième chose, la douceur. Troisième chose, l'endurance. Et il clarifie ça encore plus en disant que la science, avant d'ordonner, avant d'interdire. Ça, on l'a appris. Hein, dans Al-Usul al-Thalatha, Al-Ilmu qabla al-Qawli wa al-Amal. Hein, comme l'a dit l'imam al-Bukhari. Al-ilm qabla al-qawli wa al-amal. Avant l'action, avant la parole, tu dois avoir la science. Et le cheikh il dit ici, pour ordonner le bien et interdire le mal, tu dois avoir quoi en premier? Avant de le dire, avant de le faire, tu dois avoir la science. Il faut savoir ce qui est le ma'ruf, il faut savoir ce qui est le munkar. OK? Deuxièmement, il faut avoir al-rifq. Lorsque tu interdis le mal, il faut avoir la douceur. Il ne faut pas le faire avec agressivité, avec dureté. Ok? Il faut utiliser la douceur. Et troisièmement, et ça c'est pendant que tu le fais. Donc avant la science, pendant la douceur et après l'endurance. Parce que après c'est là que tu as les tests. Hein? Donc ça c'est les trois degrés. Après le cheikh dit qultu fa hadha yadullu ala anna al-amra bil ma'ruf wal nahy 'an al-munkar la budda an yakuna ma'a sahibihi 'ilm qabla dhalik wal 'ilm min shartay ad-da'wa allatheyni dhakarahuma Allah subhanahu wa ta'ala bi qawlihi قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالشرط الأول الإخلاص وهو مأخوذ من قوله أدعو إلى الله. والشرط الثاني العلم وهو مأخوذ من قوله على بصيرة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله أدعو إلى الله لأن الدعاة إلى الله ينقسم إلى قسمين، داع إلى الله وداع إلى غيره. فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى. فإذا دعا إلى الله فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع، لا لأنه لم يجب. فإذا كان يغضب لهذا معناه، فإذا كان يغضب لهذا معناه أنه يدعو إلى الله. فإذا استجاب واحد كفى، وإذا لم يستجب أحد يكفي أيضا. والداعي إلى غيره فقد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق. الشيخ الزي والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم. ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه ولكن لم يدعو إلى تركه. لكن لم يدعو إلى تركه. Ça c'est des points importants que le Cheikh explique ici. Le Cheikh il dit que comme on a vu, pour ordonner le bien et pour interdire le mal, il faut qu'il y ait des conditions. Première chose, tu dois avoir la science avant de le faire. Et la science, dans la da'wah, le Cheikh dit wal-ilm ma'a shartay ad-da'wah alladhayni dhakarahuma. Il faut que tu aies la science et les deux autres conditions qui sont nécessaires pour faire la da'wah. C'est quoi? Elles sont mentionnées dans le verset, dans Surat Yusuf, le verset 108. Quand Allah ici dit au messager d'Allah, voici mon chemin, j'appelle les gens, j'invite les gens à Allah avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc le chef il explique ce verset là, il dit la première condition c'est à l'ikhlas, il faut avoir la sincérité et qu'on appelle les gens et on invite les gens à Allah avec sincérité pour Dieu seulement. Et ça c'est tiré de la parole d'Allah qui dit aux gens, j'invite à Allah. J'invite pas les gens à autre chose. J'invite uniquement les gens à Allah. Deuxièmement, la deuxième condition, la connaissance. Il faut avoir la science. Et ça, c'est tiré du verset, ou de la partie du verset qui dit, ala basira. Al-basira, c'est la science. Ok? Et, il mentionne les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit, la parole, quand Allah il dit, ad'u ila Allah, c'est-à-dire, j'invite les gens à Allah, ou j'appelle les gens à Allah, pourquoi? Parce que quand on parle de questions de da'wah et quand on parle d'inviter à Allah, il y a deux catégories de personnes. Il y a la personne qui appelle à Allah et il y a des gens qui appellent à autre que Allah. Il y a les gens qui invitent les hommes à aller vers Allah et il y a des gens qui invitent les hommes à aller vers autre que Allah. Il y en a qui invitent les gens à aller vers eux-mêmes. Ok? Donc, le cheikh il donne l'exemple. Il dit que la personne qui invite les gens à Allah et qui est vraiment sincère, c'est celui qui veut amener les gens à adorer Allah et à se rapprocher d'Allah. Donc, quand il appelle les gens à Allah, il ne va pas se fâcher parce que les gens ne l'ont pas suivi lui. Il ne va pas se fâcher parce que les gens n'ont pas répondu à ce qu'il dit lui. Il se fâche uniquement pour une chose, c'est que parce que la vérité n'a pas été suivie. Il se fâche pour la vérité, il ne se fâche pas pour lui. Tu comprends? Vous comprenez l'exemple? C'est que il y en a des gens qui disent, « Akhi, si tu fais ça, il faut faire ça parce que ça c'est dans la sunna. » Et là, il voit que la personne ne le fait pas. Et là, il se fâche. Il ne se fâche pas parce que la personne n'a pas fait la sunna. Il se fâche parce que la personne n'a pas écouté lui. Et ça, c'est grave. Donc, le cheikh, il dit, ça, c'est un exemple d'une personne qui n'appelle pas à Allah. Elle appelle à lui-même. Elle se fâche pas pour Allah, elle se fâche pour elle-même. Le cheikh, il dit, la personne qui appelle réellement à Allah, elle se fâche pas pour elle-même, elle se fâche parce que la vérité n'a pas été suivie. Et il dit, si, فَإِذَا كَانَ يَغْضَبُ لِهَذَا مَعْنَاهُ أَنَهُ يَدْعُ إِلَى اللَّهِ. Donc si tu te fâches parce que les gens ont contredit la sunna, ou parce que les gens ont désobéi à Allah, ou parce que les gens ont contredit l'ordre d'Allah, là tu te fâches pour Allah. Ça prouve que ta da'wa est née vers Allah réellement. Et la personne qui invite à autre que Allah, hein, qui invite à lui-même, il dit وَالدَّعِي إِلَى غَيْرِهِ قَدْ يَكُمْ دَعِيًا إِلَى نَفْسِهِ وَيَدْعُوا إِلَى الْحَقِّ لِأَجْلِ أَنْ يُعَظَّمْ. Donc la personne qui, par exemple, elle appelle la personne qui appelle à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça se peut qu'elle appelle à elle-même, d'accord? Ça se peut que la personne qui appelle à autre que Allah, elle appelle à elle-même. C'est-à-dire, elle appelle les gens, elle invite les gens à le suivre lui. Cette personne-là veut que les gens le suivent lui, en voulant dire sa personne, et ses paroles, et ses idées, et ses opinions. D'accord? Mais, en même temps, il appelle à la vérité. Vous comprenez? Mais il appelle à la vérité pour que les gens le respectent lui. Et pour que les gens l'élèvent, lui. Hein? Et c'est pour ça que lorsque les gens ne font pas ce qu'ils demandent, ils se fâchent. Mais quand ils voient que les gens font un autre péché, ils désobéissent à Allah dans quelque chose de plus grave, alors ça ne lui dérange pas, il les laisse faire. Mais quand il dit aux gens, faites quelque chose, puis les gens ne le font pas, ils se fâchent. Mais quand les gens font quelque chose qui est interdit, ils disent rien. Donc ça, c'est un exemple de gens qui appellent à eux-mêmes. Le cheikh dit, قُلْتُ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلَ أَدَّعِي إِلَى حِزْبِهِ كَمَا هُوَ حَالَ الْمُنْتَمِينَ إِلَى الْجَمَاعَاتِ. Akhi, quand vous venez au Dars, fermez le téléphone. Pour pas recevoir des appels, pour pas recevoir des messages, pour que vous soyez concentré dans le dars seulement. Parce que les téléphones, quand vous êtes dans le dars, vous allez être déconcentré par le téléphone. À chaque fois que ça sonne, chaque fois que vous avez un message, vous devez aller répondre, vous devez faire ci, ça. Ça, c'est pas quelque chose qui va vous aider dans la concentration. Donc, oubliez votre iPhone, MP3, je sais pas quoi, hein. Tarkiz, inshallah, concentration. Le cheikh, il dit, Qultu. Où est-ce qu'on est rendu là? Ok. Qultu. Wa min hadha al-qabil, al-da'i ila hizbi. Kama huwa hal al-muntamina ila al-jama'at. Al-firq al-islamiyya. Hatta innahum sakharu منابر المساجد للدعوة إلى أحزابهم والله المستعان. ثم قال الشيخ قوله على بصيرة أي علم, ويشتمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو وعلم بالسبيل الموصلة إلى المقصود وهو الحكمة. مختصرا قلت تبين مما سبق عرض مما سبق عرضه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله, فلا بد من توفر العلم في من يقوم بهذه المهمة العظيمة. والعلم لا يقتصر فقط على العلم بالشرع, بل لا بد معه من العلم بأحوال المدعوين والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود. ولا يكفي العلم كذلك بهذه الأمور, بل لا بد أن يصحبه الإخلاص والرفق مع الأمر والنهي والصبر بعدهما, عندئذ يتحقق المقصود بإذن الله. ولا إخال ذلك متوفرا في من يدخل في هذه الأمور المحدثة. لأن من كان عنده علم نافع فإن علمه سيحجزه عن ارتكاب مثل هذه المفسدة الكبرى فعلى أقل تقدير تكون عنده من الأمور المشتبهة تكون عنده من الأمور المشتبهة التي ينبغي أن تترك خشية الوقوع في الحرام فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم قال النووي رحمه الله قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أي حصل له البراءة لدينه ومن الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه وقال ابن دقيق العيد أما الشبهات فهي كل ما تنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتجاذبه المعاني فالإمساك عنه ورع قلت فعلى أقل تقدير أن الإمساك عن المشاركة في الانتخابات ورع ينبغي فعله والله أعلم. Donc le cheikh il dit, pour terminer ce passage ou cette shubha, la réfutation de cette shubha, il dit que donc la personne qui est dans la da'wah, la personne qui ordonne le bien et interdit le mal, en réalité ça fait partie de faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il ne doit pas appeler les gens, comme c'est le cas actuellement, à son parti. Hein? Donc il doit appeler à Allah et non pas à son parti. Mais malheureusement, eux, ils appellent à leur parti. Et également, on doit... Et les gens qui appellent au groupe et au parti islamique, on voit qu'ils appellent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont même utilisé les manabir, le minbar dans la mosquée, pour appeler les gens à leur parti et voter pour leur parti. Wallah al-musta'an. Donc ils appellent pas à Allah. Deuxièmement, qala al-shaykh qawluhu. Quand le shaykh Ibn Uthaymin, il explique que, ala basira, ça veut dire avoir la science. Quand tu fais la da'wah, tu dois avoir la science. Et ça, c'est pas juste la connaissance de la charia, mais aussi de connaître l'état des gens à qui tu t'adresses, hein, dans leur aqidah, et dans leur pratique, et dans leur façon de penser, pour être capable de bien leur transmettre la da'wah. Et aussi, tu dois avoir également la connaissance des meilleurs moyens pour arriver à ton but dans la façon de transmettre le message de l'islam pour eux. Et ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse. Et le chef, il explique donc, maintenant il explique, il dit, donc on a vu par rapport à qu'est-ce qu'on a mentionné, qu'on a expliqué dans, à propos de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, que ça fait partie de la da'wah, d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut que la personne qui le fasse possède les conditions nécessaires qu'on a mentionnées. Comme par exemple, la science. Et c'est pas seulement d'avoir la connaissance de la charia, mais aussi connaître l'état des gens à qui tu t'adresses et connaître la méthode, comment leur transmettre le message de la meilleure façon. Et ça, c'est donc les nécessités, les choses qu'on a besoin d'avoir pour faire la da'wah. Et aussi également, il faut avoir ikhlas, il faut avoir la douceur dans la façon de transmettre et d'ordonner et d'interdire, et il faut être endurant aussi. Et yatahaqqaqul maqsoud bi'iznillah, quand tu vas avoir la sincérité, l'ikhlas, que tu vas avoir la douceur, quand tu vas ordonner et interdire, et que tu vas faire preuve d'endurance après, donc tout ça, ça veut dire que, inshallah, si tu respectes ces conditions-là, tu auras atteint ton but. Et le cheikh, il dit, justement, comme il disait dans l'explication tout à l'heure, si tu fais ta da'wah, puis que des gens t'écoutent ou te répondent, même si c'est juste une personne, alhamdulillah, c'est bon. Et s'il y a personne, alhamdulillah, c'est bon aussi. L'important, tu as fait ton travail, tu as eu la bonne intention, tu as fait ton effort, Allah te récompense. C'est pas la quantité de gens qui va faire en sorte que ta da'wah est bonne ou mauvaise. Parce qu'il y a des prophètes qui vont arriver au jugement dernier, ils n'auront personne derrière eux qui vont les suivre. Hein? Donc ça, c'est une preuve. Après, le cheikh, il dit, donc les gens qui rentrent dans ces partis-là ou dans ces groupes-là, dans les élections, ils n'ont pas ces conditions-là qui sont nécessaires. Hein? S'ils avaient cette connaissance-là qu'ils ont besoin de posséder pour entrer, pour faire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, eh bien cette connaissance-là, qui est bénéfique, les aurait empêchés de tomber dans ce grand mal qui est celui de rentrer dans les parlements et dans les élections. Donc, yani, quelqu'un qui connaît pas les méfaits de la démocratie, le minimum, le fait de connaître ça, de connaître les règles de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et de connaître la charia, ça va l'empêcher de tomber dans toutes ces petites munkarat et tous ces problèmes-là qui rendent la question plus confuse. Hein? Si quelqu'un, par exemple, il connaît pas le verdict de la charia au sujet de la démocratie puis des parlements, mais qu'il connaît en général les règles de la charia et qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, quand il va observer toutes ces petites choses-là qui sont présentes devant lui, qui font partie des choses qui sont contraires à l'islam, il va s'en écarter. Parce qu'il va voir que c'est quelque chose qui n'est pas clair. Donc, quand quelque chose n'est pas clair, ton devoir, c'est de t'en écarter. Donc, le cheikh dit, regardez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Al-Nu'man ibn Bashir, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit que le halal, c'est, qu'est-ce qui est halal, c'est clair. Et qu'est-ce qui est haram, c'est clair. Mais entre les deux, il y a des choses qui sont plus douteuses, hein, ou bien des choses qui sont pas tellement bien clairement définies, ou bien clairement délimitées, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Hein. Et donc, celui qui s'écarte de ces choses-là qui sont des zones grises, eh ben, il a préservé son honneur et sa religion. Tandis que celui qui est rentré dans ces zones grises, eh bien, il est tombé dans le haram. Donc, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam An-Nawawi qui explique ça. Et il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a protégé son honneur et sa religion, ça veut dire qu'il a innocenté sa personne de tout blâme de la charia et il a protégé son honneur contre les paroles des gens. Et Ibn Daqiq al-Aid, lui, il a expliqué ça en disant que les shubuhat, c'est toutes les questions sur lesquelles il y a des désaccords ou des textes qui sont opposés dans ces questions-là. C'est-à-dire, il y a des textes qui sont rapportés qui, par exemple, indiquent que il y aurait une permission et un autre texte qui indiquerait, par exemple, qu'il y aurait une interdiction et une permission. Donc, ça veut dire que quand il y a des cas comme ça, c'est uniquement les savants qui savent comment trancher et comment analyser ces textes-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La ya'lamuhunna kathirun minan nas ». C'est les questions qu'on appelle les questions de divergence. Donc, ces questions-là, c'est pas tout le monde qui les connaisse. Donc, le mieux à faire dans ces questions-là, si toi tu ne connais pas, c'est de t'en écarter complètement pour protéger ton honneur et ta religion. Et donc, le cheikh, il dit que, donc, le minimum qu'on peut dire, si on regarde la question des élections puis des trucs de démocratie, le minimum qu'on peut dire, c'est qu'on doit s'en écarter pour protéger notre honneur et notre religion. Ça, c'est si on ne prend pas en considération tout ce qu'on a expliqué des méfaits de la démocratie auparavant. Déjà, nous, on sait que c'est une question qui est claire, et que c'est clairement haram, que c'est clairement kufriani, et que c'est contraire à la religion. Mais quelqu'un qui ne saurait pas tout ça, le minimum qu'il devrait faire, c'est de s'en abstenir, parce qu'il y a des zones grises et des choses qui sont douteuses dans ce sujet-là. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et puis on continuera la semaine prochaine avec la clarification des autres shubuhat. À ce sujet de démocratie, inshallah. Et donc, je pense que pour aujourd'hui, on a expliqué un bon point. Donc, on continue, comme je dis, la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fika barak. Butchichi, c'est la tariqa butchichiya.